Cinquième chapitre, magiciens et sorciers. Le crédit des magiciens, enchanteurs, voueurs et autres sorciers et devins campagnards tend à diminuer. Avant que ces survivants du Moyen-Âge disparaissent, il peut être intéressant de décrire leurs fonctions magiques. Les citadins auraient d'ailleurs mauvaise grâce à rire de ces villageois quand les somnambules extralucides, les prétendus fakirs hindous, les anges Gabriel incarnés sont écoutés par la population des villes. Fait surprenant, depuis quelques années, certains grands journaux voient s'insinuer dans leurs annonces des réclames singulières où des roumains, des cartomanciennes et des spirites exotiques prétendent nous dévoiler notre destinée ou la corriger moyennant finances. Soyons donc modestes et examinons avec un scepticisme bienveillant les sortilèges des humbles sorciers de nos campagnes. On a remarqué que les divers climats de nos provinces ont une grande influence sur le nombre et la qualité des magiciens villageois. En Normandie, en Bretagne, en Vendée, dans le Limousin et le Rouergue, le paysage se fait le complice de l'atmosphère brumeuse pendant plusieurs mois pour prêter aux arbres, aux chemins creux, aux logis, aux animaux et aux êtres des formes fantastiques. Les paysans attardés, qui voient des chênes à silhouettes de géants hargneux ou des chiens à mine de bêtes inconnues, ne sont pas éloignés de croire aux revenants, aux fantômes et, par conséquent, au monde des esprits bienfaisants ou malfaisants. C'est dans l'observation de ces faits qu'il faut chercher l'origine de la nécromancie. Les premiers sorciers rustiques ont été des laboureurs mystiques qui croyaient eux-mêmes à la réalité de ces visions et essayaient d'en donner des explications satisfaisantes à leurs voisins. Leur esprit s'exerça d'abord sur les intersignes. Un paysan remarque-t-il une sorte de main tracée sur sa porte, vite il court chez le devineur. Celui-ci examine, et si les cinq doigts sont bien marqués, il déclare que c'est un signe de bonheur. Mais si par malheur le pouce ou le petit doigt ne sont pas indiqués, il y aura un malheur dans la famille. L'annuaire très développé annonce une naissance. Lorsqu'un héritier impatient veut savoir si son vieil oncle mourra bientôt, le devineur fabriquera un petit cerceau avec une brindille de coudrier et le posera sur une eau courante. Si le bois coule, le sorcier dira « Tu hériteras, mon gars ». Les devins de village prédisent aussi l'avenir par un singulier moyen. Ils mettent des pois dans une poêle posée sur le feu. Presque aussitôt, les graines se mettent à sauter, et suivant la façon dont elles crépiteront, le magicien s'écriera « J'aperçois un deuil, et voilà une naissance nouvelle. Une pièce de terre agrandira ta ferme. Ta châtaigneraie te rapportera gros. Défie-toi d'un ami, tiens, celui-ci qui bondit si bien sur le feu, il te trahira. » Ce langage confus laisse généralement dans le trouble le naïf consultant. Si, dans le Limousin, des sorciers vendent des amulettes contre le mauvais sort, en Bretagne, leurs confrères fabriquent des sachets fort dangereux pour la personne qui les porte. Un cultivateur veut-il se venger d'une personne avec laquelle il est en contestation ? Il se fera confectionner une petite bougette de toile renfermant les ingrédients les plus hétéroclites. Le tribunal de Morlaix, ayant eu à juger une de ces affaires ridicules, en trouva sur la victime, cousue dans la doublure de sa veste, des grains de sel, de la cire vierge, une araignée, de la rognure d'ongles et de la terre qui, paraît-il, avait été ramassée dans un cimetière. Le plus intéressant, c'est que le paysan voué tomba sérieusement malade par imagination. Les voueurs semblent être les plus malfaisants des sorciers campagnards. Depuis le Moyen-Âge, beaucoup de villageois crédules croient à l'envoûtement. Ils sont persuadés que certains vieillards possèdent le pouvoir de faire mourir, d'estropier ou de ruiner les gens. Actuellement, les jeteurs de sorts abondent encore dans nos campagnes. Il est si commode d'expliquer par leur néfaste intervention la maladie des troupeaux, l'incendie des meules, la mévente des céréales, un accident, la sécheresse ou l'inondation que certainement ces magiciens dureront encore longtemps. Le plus redoutable d'entre eux, c'est le voueur qui, par autosuggestion, persuade un innocent paysan qu'il doit mourir à une date fixée. Dans le Trégorois, la croyance aux vœux diaboliques était tellement enracinée qu'un certain nombre de drames mystérieux ont causé le trépas de voués plus tenaces eux-mêmes dans la conviction qu'ils devaient mourir que les magiciens qui les condamnaient. Souvent, l'envoûtement devient une sorte de justice sacrée en Bretagne. Un fermier croit-il avoir à se plaindre gravement d'un cultivateur de son voisinage ? Il l'appelle devant le tribunal de Saint-Yves et il prononce à peu près ces paroles. « Saint-Yves, je déclare que cet homme m'a trahi, soit juge entre nous, que le coupable meure. » La rumeur publique ne tarde pas à faire savoir au voué qu'il est appelé à comparaître devant le tribunal du céleste avocat et, si sa conscience est trouble, il commence à éprouver les affres de ce jugement. Souvent, il ira trouver son adversaire et lui proposera un arrangement. S'il s'entête, au contraire, à garder le bien mal acquis, Saint-Yves l'enverra bientôt aux enfers. Nous voudrions maintenant vous entretenir de quelques types morbihanais qui ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Les villageois qui ont essayé d'expliquer toutes les maladies par des causes surnaturelles, car ils ne pouvaient admettre la légitimité des maux physiques qui accablent des innocents, affirment que les névralgies si fréquentes sont dues à la malignité de l'entêteur. Celui-ci ou celle-ci, car les vieilles femmes excellent à entêter les personnes avec lesquelles elles se sont querellées, opèrent de la façon suivante. Quand ils croient que leur victime est rentrée dans son logis, ils se mettent près de la muraille la plus rapprochée du lit, appuient leur front contre les pierres, écartent leurs bras et font une oraison infernale dont il nous est impossible de rapporter les termes, car ils sont si confus que les entêteurs y perdent eux-mêmes leur latin. Si pendant cette opération, l'entêteur est aperçu par un passant, celui-ci se signera et le sort s'évanouira. En vain le sorcier maintiendra-t-il sa tête contre le mur, son pouvoir est coupé. L'enchanteur au grimoire est une des figures les plus curieuses de nos campagnes. Jadis, les cultivateurs s'imaginaient que leur recteur possédait tous un grimoire, c'est-à-dire un manuscrit antique écrit dans une langue mystérieuse que seul le prêtre savait déchiffrer. Or, pendant la Révolution, un certain nombre de ces grimoires auraient été volés et des familles posséderaient encore maintenant ces précieux ouvrages. Elles ont appris à les lire et elles y ont trouvé des recettes extraordinaires qui leur permettent, par exemple, d'arrêter une voiture sur une route en palier, d'hébéter un enfant intelligent, de prédire la destinée, de forcer les récoltes productives, de se faire aimer, de jeter par terre l'homme le plus robuste ou de réussir dans toutes ses entreprises. Nous vous laissons à penser si le possesseur d'un pareil grimoire est sollicité par les bonnes gens de son hameau. Lorsque les indiscrets sont occupés au champ, on se rend à la dérobée chez l'enchanteur et là, on lui pose des questions qu'il transcrit sur des morceaux de papier. Il se détourne ensuite et, sans regarder son livre, il l'ouvre au hasard et place entre les feuilles comme des signets les lignes écrites. Ensuite, il prend son grimoire, le rouvre aux pages indiquées, prend une baguette et lit en psalmodiant avec une certaine solennité afin de donner à l'avertissement toute sa valeur. Ces enchanteurs rusés, grâce à ce cérémonial, prennent le temps de préparer leurs réponses et ils ébahissent leurs clients avec leur langage sibyllique aux mots à double entente, ce qui leur permet toujours d'avoir raison dans l'avenir. Un personnage peu estimé, malgré l'importance de ses fonctions, c'est le leveur d'or. À tort ou à raison, dans presque toutes les communes de Bretagne, la tradition veut qu'à l'époque d'une ancienne guerre, les seigneurs du pays aient enfoui dans le sol une partie de leur fortune. Il s'agit de la retrouver. Beaucoup de cultivateurs en charruant s'attendent à trouver la poterie ou bien la cassette aux écus et, en effet, parfois le coultre frappe un vase renfermant des pièces. Il n'en faut pas davantage pour révolutionner les plus sages. Ils se rendent la nuit venue chez le leveur d'or. Généralement, c'est un vieil homme. Il vit solitaire dans une chaumière construite auprès des ruines d'un château. Depuis de longues années, il remue les pierres, s'insinue dans les souterrains et ne répond jamais lorsqu'on lui demande « Hé Jean, as-tu trouvé le trésor ?» Les campagnards en déduisent que le vieux gaillard a su rencontrer les richesses, mais qu'il se garde bien de l'avouer afin de se garer des voleurs. Le leveur d'or écoute les confidences de son client. Celui-ci lui raconte qu'il a ouï dire à son grand-père qu'un gentilhomme avait enfoui dans le bas du pré un coffre enfermant 1000 louis d'or, des armes et des chandeliers en argent massif. Il s'agit de les retrouver. « C'est bon, répond le leveur, j'en fais mon affaire. Tu vas commencer à jeûner et à faire une tranchée autour de l'endroit que tu me désignes. Moi, je chausserai des gants en peau de chien. Tu m'amèneras un de tes bœufs avec une longe que je passerai sous la malle. Seulement, je te préviens, ta bête mourra dans l'année. » Le paysan acquiesce. Il n'ignore pas, en effet, que l'homme ou l'animal qui retire un semblable trésor est condamné à disparaître. Voilà pourquoi le leveur d'or se sert du subterfuge d'un bœuf. Bien entendu, les louis d'or resteront invisibles, mais le sorcier accusera une défaillance de son client. Il n'avait pas jeûné, ou bien son renseignement était inexact. Quelques-uns de ces magiciens jouissent cependant d'une grande réputation lorsqu'un hasard heureux leur permet de découvrir un amas d'argent. Dans le pays de Vannes, l'un d'eux annonçait qu'on trouverait dans la toiture de chaume d'un vieux logis une forte somme. Quand la maison fut démolie, les ouvriers virent en effet tomber sur le sol une volée de pièces aux effigies de Louis XIII et de Louis XIV. Le leveur triompha. Une semblable histoire fait le tour d'une province et la crédulité publique s'en accroît. L'écouteuse des morts, autre type de sorcière, mérite qu'on la note au passage. Dans les régions où le culte des défunts est très vif, il se présente quelquefois aux parents une vieille femme courbée et ridée dont le grave visage inspire confiance. Cette paysanne s'appuie sur un bâton d'épines blanches et porte dans un bissac quelques cailloux utiles à sa profession. Elle annonce aux enfants qui ont perdu récemment leur père qu'elle peut entrer en relation avec le trépassé et lui poser telle question qu'on voudra. Elle écoutera les réponses et les rapportera soigneusement. À cette pensée, les villageois, tout à la fois épouvantés et reconnaissants, chargent l'écouteuse de se rendre au cimetière et de demander au défunt ses conseils au sujet d'un mariage et de l'achat d'une pièce de terre. « C'est bien, répond la magicienne en communication avec les esprits. Avant 24 heures, vous serez renseignée. » Elle se rend sur la tombe, s'agenouille, paraît prier et sort enfin deux petites pierres blanches avec lesquelles elle cogne la dalle en s'écriant « Père, père, m'entendez-vous ? » Ensuite, elle colle son oreille sur le tombeau, paraît écouter et s'en revient annoncer aux enfants que le défunt défend le mariage, mais les engage à l'acquisition du champ. Ces écouteuses se recrutent parmi les commères les plus intelligentes du pays. Souvent, elles ont connu le décédé, et elles sont au courant de tous les secrets de la famille. Aussi savent-elles parler avec beaucoup de sens au nom du père. Une sorcière détestable, la terreur des métairies, c'est la soutireuse de lait. La croyance au pouvoir de certaines vieilles femmes d'empêcher les vaches de donner leur lait est encore répandue dans nos provinces, et aussi bien en Savoie qu'en Bretagne, dans le Roussillon qu'en Flandre. Il faut remarquer que les soutireuses ne possèdent jamais de troupeau. Elles sont ainsi à l'abri des représailles. Ces paysannes viennent mendier du beurre et du lait dans les fermes, et si on leur refuse, elles cachent leur tête sous leur tablier. La fermière, terrifiée, devine que par ce geste, la sorcière lui signifie qu'elle soutirera le lait de ses vaches et que, bon gré mal gré, elle en prendra son comptant. Le pire, c'est que les bêtes soient frappées de stérilité au moyen d'incantations sur lesquelles ces vieilles se gardent bien d'insister. Une de ces magiciennes, appelée la Congresse, dans le Finistère, où elle exerce sa détestable industrie, pose les mains sur le dos d'une vache et s'en est fait de la meilleure laitière. Dorénavant, ce sera un animal bon pour la boucherie. Il y a une dizaine d'années, vivait encore une sorcière, connue sous le surnom de Giap-Giap. Cette paysanne avait inventé une manière originale de nuire à son prochain. Elle l'obligeait à faire un mauvais pas qui lui communiquait tout aussitôt un rhumatisme ou mieux encore lui donnait une entorse ou lui cassait la jambe. À chaque laboureur qui se plaignait de douleur, elle laissait entendre qu'il avait été victime d'une machination semblable. Elle opérait de la façon la plus simple. Avant le lever du soleil, elle arrivait devant la maison de la personne visée avec un panier rempli de terre mélangé de feuilles et de coquillages. Avec ce mélange répandu sur le sol, elle faisait un minuscule rempart qui ressemblait aux constructions des enfants de nos plages. Si par malheur, le paysan qu'elle voulait atteindre posait par mégarde le pied sur cette levée d'argile cabalistique, c'en était fait de sa santé. Rhumatisme, foulure le menaçaient. Quand l'homme était assez avisé pour franchir le petit obstacle sans le toucher, il pouvait se rire de la sorcière. Les jeunes gens qui veulent se marier contre le gré de leurs parents recourent au sortilège des magiciens villageois qui enchantent les parents et les obligent à donner leur consentement. Il y a encore une autre manière de procéder. Le jeune homme et la jeune fille vont superposer leurs mains contre le tronc d'un arbre et la sorcière vient les toucher avec son bâton en s'écriant « Aussi longtemps que cet arbre tiendra debout, aussi longtemps votre amour durera ». Et c'est au moins ce que l'on nous a raconté lorsque les familles apprennent cet événement, jugeant l'union de leurs enfants impossible à rompre, elles acceptent de les conduire à la mairie et à l'église. Les jeunes gens curieux de savoir quel visage aura leur fiancé réclament à la sorcière de leur bourg l'épreuve du portrait dans l'eau. On apporte un seau de bois rempli de liquide à moitié seulement et, s'étant agenouillé, le garçon observe et déclare bientôt qu'il reconnaît une figure confuse. « Regarde bien, car celle que tu épouseras aura ce visage, » répond la magicienne. Il y a quelques années, un de ces sceaux fut trouvé dans une masure, après la mort de sa propriétaire. Elle l'avait truqué en encastrant un miroir rond dans son fond. Elle versait de l'eau rougie, et grâce à ses subterfuges, la physionomie de la personne changeait assez pour qu'un naïf petit villageois pût reconnaître une jolie fille dans son propre visage. De même, les jeunes paysannes se rendent chez des commères qui allument deux chandelles de résine au-dessus d'un petit miroir. Les reflets produisent une vague image qui est censée représenter le visage du futur épouseur. Dans la commune de Josselin, il existe des puits qui parlent et renseignent très exactement un homme embarrassé. Seulement, il faut savoir interpréter le langage du rouleau de bois flottant dans le mur contre ses supports. Il est donc nécessaire de s'adresser à un vieux solitaire accoutumé à comprendre le langage des oiseaux, des bêtes et des choses. Tandis que le consultant fait tourner le rouleau, le sorcier note la musique produite et il en déduit la joie ou le malheur. Nous l'avons déclaré au commencement de cette étude sur la sorcellerie villageoise, les magiciens meurent et ne sont plus guère remplacés. Dans quelques générations, les cultivateurs auront peine à admettre que leurs aïeux vivaient dans un monde de fantasmagorie où les faits les plus naturels prenaient, grâce à l'interprétation intéressée des sorciers, des significations redoutables.